الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نستأنف شرح الأصول الثلاثة إن شاء الله وقد انتهينا من الجزء الأول من المقدمة ويقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبلا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباؤهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Donc nous étions arrivés à la deuxième partie de l'introduction. Donc l'auteur nous dit: sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour chaque musulman et musulmane d'apprendre trois points et de les mettre en pratique. Le premier est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et nous a donné notre subsistance. Il ne nous a pas délaissés, mais au contraire, il a envoyé vers nous un messager, celui qui lui obéira, ou bien celui qui lui obéit entrera au paradis, et celui qui lui désobéit entrera en enfer. Et la preuve à cela est le verset de Sourate Al-Muzzammil, où Allah nous dit: nous avons envoyé vers vous un messager témoin contre vous, comme il a envoyé à Pharaon un messager. Et Pharaon a désobéi à ce messager, et nous l'avons alors saisi d'une manière brutale. Le deuxième point est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas que l'on lui associe quelque chose dans son adoration, ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé. La preuve à cela, Allah nous dit: wa anna al-masajid lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Le troisième point donc qui nous est obligatoire de connaître est que celui qui obéit au messager et unifie Allah subhanahu wa ta'ala, il lui est alors interdit de prendre comme allié ceux qui combattent Allah et son prophète, même si ils sont parmi les gens les plus proches. Allah nous dit dans Surat Al-Mujadala: tu ne trouveras pas un peuple croyant à Allah et au jour dernier aimer ceux qui combattent Allah et son messager, même s'ils sont leur père, leur enfant, leur frère ou bien leur tribu. Ceux-là, c'est-à-dire ceux qui n'aiment pas ces gens-là, Allah a mis la foi dans leur cœur et les a soutenus par une âme de sa part et les fera rentrer au paradis sous lesquels pour des ruisseaux pourraient demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Voici le parti d'Allah, et le parti d'Allah sont certes les victorieux. إذن يقول المؤلف رحمه الله اعلم رحمك الله كما قلنا المؤلف رحمه الله دائما من عادته أنه يدعو للقارئ وللمتعلم فهذا يعني يبني المؤلف صلة مبنية على الرحمة والشفقة بين الشيخ والتلميذ بين الكاتب والقارئ فهو يدعو للقارئ وكذلك هو أدعى للنشاط في النشاط في القراءة فإذا كنت تقرأ كتابا والمؤلف يدعو لك بالرحمة وبالمغفرة وبالتوفيق وبالرشاد فإنك تحب أن تقرأ كتبه وهي من عادته يعني في جميع كتبه رحمه الله شيخ الإسلام دائما يدعو للقارئ فيقول رحمك الله ذكرنا رحمك الله يعني يدعو الله تبارك وتعالى أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وأن يعصمه من الزلل في المستقبل فهو دعاء عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ثم قال أنه يجب على كل مسلم ومسلمة واجب فمن لم يتعلم هذه المسائل الثلاث ولم يعمل بهن فإنه آثم فالأحكام التكليفية خمسة عندنا الوجوب وعندنا الكراهة وعندنا الإباحة وعندنا المستحب وعندنا المحرم فإذا كان ذلك واجبا من لم يتعلم هذه المسائل فإنه آثم المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا هذا يعني يدل على ذلك آيات من كتاب الله تبارك وتعالى قال الله سبحانه وتعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ولقد خلقناكم ثم صورناكم وذكرنا في الدرس الماضي قبل أن نتوقف أن هناك دليل على الخلق من ناحية عقلية فالأدلة قد تكون نقلية يعني من الكتاب ومن السنة وقد تكون عقلية الإنسان يستدل بشيء بطريقة يعني منطقية وقد تكون كذلك هذه الطريقة مذكورة في القرآن الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة الطور يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فالإنسان إما أنه خلق من غير شيء يعني وجد هكذا من غير خالق وهذا مستحيل ما من شيء في هذا الوجود إلا وله صانع ولا لا هذا الجهاز له صانع هذا المكتب له صانع هذا الدفتر له صانع هذه الأوراق أي شيء ملابسي الأنوار لأي شيء في هذا الكون له صانع فإذا نظرتم إلى الجبال والبحار والشمس والقمر والسماء والإنس والحيوانات إلى غير ذلك من مخلوقات الله فلا يمكن أن توجد هذه الأمور من غير خالق لها هذا مستحيل والاحتمال الثاني أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون أن يكونوا خلقوا أنفسهم فلا يمكن الإنسان أن يكون قد خلق نفسه لأنه قد خلق من العدم والعدم ليس بشيء فكيف يستطيع أن يجيد شيئا آخر فالاحتمال الثالث الذي سكت عنه القرآن هو ما ينبغي لكل مسلم أن يعتقده وأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا وحده لا شريك له donc l'auteur il nous dit اعلم رحمك الله donc toujours dans ses ouvrages Cheikh l'Islam Mohamed ibn Abdel Wahhab il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour le lecteur en lui disant qu'Allah te fasse miséricorde qu'Allah te guide qu'Allah t'affermisse et donc ça permet de créer un lien de clémence entre donc l'auteur et celui qui lit les œuvres et un lien de clémence également entre le savant et celui qui étudie sa science. Également, donc, lorsque la personne lit un livre dans lequel l'auteur invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour le lecteur, ça incite la personne à continuer à lire. Lorsque la personne donc, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te guide, qu'il t'aide, qu'il t'assiste, ça t'incite à continuer à lire cette œuvre. Donc il nous dit qu'il est obligatoire pour chaque musulman et musulmane d'apprendre 3 points et de les mettre en pratique. Donc comme vous le savez, il y a 5 statuts dans les règles de l'islam. Ce que l'on appelle l'ahkam taklifiya. Nous avons l'wajib, donc les choses obligatoires. Nous avons l'mustahab, les choses recommandées. Nous avons l'mubah, c'est-à-dire les choses autorisées. Il n'y a ni bonnes actions ni mauvaises. Nous avons les choses déconseillées et nous avons les choses interdites. Il n'y a pas autre que ces choses-là. Si on regarde n'importe quel acte que l'on commet, que l'on met en application, il rentre forcément dans une de ces 5 catégories. Soit c'est obligatoire, comme la prière, le jeûne, les 5 piliers de l'islam, comme le tawhid, comme toutes les choses obligatoires, soit c'est recommandé, comme les prières surérogatoires par exemple, le jeûne surérogatoire, sadaqa surérogatoire, l'umra, etc., etc. Soit c'est autorisé, comme boire, manger, dormir. Et la personne ne prend ni de bonnes actions ni de mauvaises, c'est autorisé. Ensuite on a des choses déconseillées, comme par exemple le fait de dormir entre le maghrib et l'isha. Le sahib kana yakrahu an-nawma qabla l'isha wal haditha ba'daha. Il aimait ni dormir avant l'isha ni discuter après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait directement après la prière de l'isha pour pouvoir prier la nuit et être présent pour salat subh. Et on a également al-muharram, donc l'interdit, l'illicite, comme shirk, riba, zina, sihr, etc., etc. Donc ici il nous dit que c'est obligatoire. Donc toute personne qui délaisse cela est donc dans le péché. La première chose à savoir est qu'Allah nous a créés et nous a donné notre subsistance et ne nous a pas délaissés. En ce qui concerne le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait créés, il y a plusieurs preuves à cela. Alors soit il y a des preuves tirées du Coran et de la Sunna, c'est ce que l'on appelle l'adilla, l'naqliya. Soit il y a des preuves logiques. Et donc la personne, lorsqu'elle veut prouver cela, elle peut soit citer des preuves tirées du Coran et de la Sunna, ou bien des preuves logiques. Ça dépend de la personne à qui elle s'adresse. En ce qui concerne les preuves donc tirées des textes, Allah il nous dit « أَلْمِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ » Est-ce qu'il y a un créateur autre qu'Allah qui vous donne votre subsistance ? Allah dit également « Nous vous avons créé et vous nous avons modelé. » Et donc les versets dans le Coran sont très nombreux pour montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créé, c'est lui qui a créé toutes choses. Ensuite, il y a ce que l'on appelle des preuves logiques. c'est-à-dire des preuves logiques qui montrent que c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés. Et ces preuves logiques également peuvent être citées dans les textes. Allah dit dans surat At-Tur, en parlant des associateurs, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Il a cité deux hypothèses. Et la troisième hypothèse, donc il ne l'a pas cité, mais donc c'est l'hypothèse que tout le monde doit comprendre. Allah il ne l'a pas cité, mais c'est pour montrer au lecteur du Coran qu'il faut qu'il se dirige vers cette troisième hypothèse qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité de lui-même, tellement c'est logique. Allah dit Am khuliqu min ghayri shay'in, est-ce qu'ils ont été créés de rien, c'est-à-dire sans créateur, ou bien se sont-ils créés eux-mêmes? Donc les humains, ils ont trois hypothèses. Il n'y a pas de quatrième. Soit ils ont été créés de rien, c'est-à-dire sans créateur, ils sont arrivés comme ça. Soit ils se sont créés eux-mêmes, ou soit c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés. Il n'y a pas de troisième, il n'y a pas de quatrième hypothèse. Ou bien un quatrième, hein? Il n'y a pas de quatrième hypothèse. Soit celle-ci, soit celle-ci, soit la troisième. Et donc, la première hypothèse, le fait que la personne aurait été créée de rien, c'est-à-dire sans créateur, n'est pas acceptable. Personne à l'heure actuelle n'accepterait de dire que cet appareil s'est créé lui-même, ou bien a été créé, personne ne l'a fabriqué. Ou bien que cette table, personne ne l'a fabriquée, que cette mosquée, personne ne l'a construite. Malgré cela, lorsqu'on parle des cieux, de la terre, de la mer, des montagnes, des fleuves, des animaux, des humains, il y a encore des gens qui osent dire « c'est arrivé comme ça ». Alors que si demain je lui dis que ça, c'est arrivé comme ça, il ne voudra pas y croire. Donc si tu acceptes que toute chose a besoin d'une personne qui la fabrique, forcément l'humain qui est encore plus complexe que tous ces appareils, tu dois accepter également qu'ils ont un créateur. Donc ça c'est la première hypothèse qui n'est pas acceptable, c'est-à-dire que les gens ont été créés de rien, c'est-à-dire sans créateur. La deuxième hypothèse, c'est qu'ils se sont créés eux-mêmes. Celle-là est encore plus incroyable que la première, du fait que la personne, du fait qu'elle a été créée du néant, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé d'une goutte de sperme, comment pouvons-nous ensuite donc créer quelque chose? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité la troisième hypothèse, qui est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, afin que le lecteur de lui-même, il se dirige vers celle-ci. Am khuliqu min ghayri shay'in am hum khaliqun. Et donc la personne comprend cela d'elle-même. Jubayr ibn Mut'im, radiyallahu anhu, usira yawm badr. Il kana min 70 alladhina usiru يوم بدر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرغب في دخولهم في الإسلام فكان الأسارى يشاهدون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يعني حتى يحبب لهم الإسلام هذا هو الهدف جبير بن مطعم أسر فكان أسيرا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة المغرب وصلى بهم بسورة الطور فعندما وصل إلى قول الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يقول دخل الإيمان في قلبي شوفوا بآية واحدة يدخل الإيمان في قلب هذا الصحابي ثم يقول وكان قلبي أن يطير من قوة الإيمان الذي دخل فيه هذه بخلاف الكثير منا فهو كان مشركا ولكن يعني فهم القوة القرآنية لماذا؟ لأنه عربي مش عربي بحيث احنا كنظنوا أنه عربي لا هو عربي فعلا يعني هو لا يحتاج إلى أن يتعلم اللغة العربية فاحنا كنقرأ النحو كنقرأ الصرف كنقرأ البلاغة وما زال لا نتأثر بالقرآن لا هو اللغة العربية هي لغته فهو القرآن يفهمه من أول سمع ويفهمه لأول قراءة. فهذه الآية أثرت عليه، وكان المشركون بمجرد سماعهم للقرآن كانوا يعلمون علم اليقين أن ذلك ليس بكلام بشر، ليس بكلام بشر. حنا كنقولوها أن القرآن معجز وفي بلاغة، ولكن من يفهم هذا؟ قليل. فدخل الإيمان في قلب هذا الصحابي الجليل الجبير بن مطعم بسبب هذه الآية الكريمة من سورة الطور. دونك جبير بن مطعم رضي الله عنه pendant la bataille de Badr l'année 2 il s'est retrouvé prisonnier après la guerre. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il priait ses prisonniers, donc ils observaient les musulmans en train de prier afin que justement de leur faire aimer l'islam. Peut-être que ils pourraient donc rentrer en, ils entendraient le Coran et cela leur permettrait de rentrer dans l'islam. Al-Jubayr ibn Mut'im, donc qui était prisonnier, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire la prière salat al-maghrib bi avec en récitant surat at-tur, en récitant surat at-tur. Ce prouve également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant salat al-maghrib il ne récitait pas que les petites surates. Ça c'était la majorité du temps, mais parfois donc il récitait des surates un peu plus longues. Donc il a récité surat at-tur et il est arrivé au verset donc où Allah dit am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Donc le verset que nous venons de réciter, ont-ils été créés de rien ou bien se sont-ils créés eux-mêmes. Jubayr ibn Mut'im il nous dit que lorsqu'il a entendu ce verset, la foi est entrée dans son cœur. Donc en entendant deux versets, la foi est entrée dans son cœur. Il nous dit que mon cœur allait s'envoler tellement donc grâce à la force de ces deux versets de surat At-Tur. La cause à cela est que Jubayr ibn Mut'im était arabe, pas arabe comme nous on dit maintenant je suis arabe, je viens du Maroc, de l'Algérie. Là c'était un vrai arabe, l'arabe littéraire c'était sa langue. Nous les arabes du Maghreb on a besoin d'apprendre comme si on était non arabe. Alors, si t'es pas parti à l'école tu comprends pas le Coran, tu comprends pas lorsqu'on te parle en arabe littéraire. Non, ouais, l'arabe littéraire c'était sa langue maternelle, il parlait en arabe littéraire. Donc le Coran il le comprenait dès qu'il l'entendait. S'il lisait le Coran il le comprenait car c'était sa langue. Donc c'est pour ça que beaucoup de compagnons vous trouverez qu'ils sont entrés dans l'islam grâce à un verset du Coran qu'ils ont récité ou bien à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils ont entendu. Certains compagnons l'ont entendu en islam grâce à khutbat al-haja, parce que le prophète dit alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, jusqu'à la fin il est rentré dans l'islam grâce à cela. Pourquoi? Parce qu'il comprenait la force des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذن الله سبحانه وتعالى خلقنا وكذلك رزقنا. الله عز وجل رزقنا، قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الله سبحانه وتعالى يرزق كل مخلوقاته من الإنس من الجن من الحيوانات ومن النباتات، لكل مخلوقاته إن الله تبارك وتعالى يرزقها. والرزق مكتوب على الإنسان قبل ولادته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث مشهور: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فالرزق مكتوب عليك قبل ولادتك، فالإنسان يموت وقد يستكمل لهذا الرزق هو مكتوب لك. فهذا يشجعنا على أخذ الرزق الحلال لأن الرزق الذي تأخذه في الحرام لو صبرت لا أخذته في الحلال يعني الشخص كيمشي يسرق البنك كيربي آلاف من اليوروات لو صبر لا أخذها في الحلال لأنه من رزقه فالرزق يشمل كل شيء من الحلال ومن الحرام ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الروح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجمروا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه في معاصي الله الإنسان لا ينبغي إذا أراد أن يرزق فالرزق أن يتأخر فلا ينبغي أن يحمله ذلك على أخذه في الحرام المسلم دائما يخاف الله تبارك وتعالى ويطلب المال ويطلب الرزق فيما أحله الله تبارك وتعالى من الأفضل أن تكون من الأفضل أن تكون فقيرا يعني مالك قليل ولكن كله حلال من أن تكون غنيا ويوم القيامة تسأل عن كل مالك من أين أخذته وفيما أنفقه وذكرنا كذلك أن عندنا هنا كلمتان عندنا الرزق وعندنا الرزق بالفتح شنو الفرق هنا قلنا الرزق صفة من صفات الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى يرزقنا ففعله يسمى الرزق أما الرزق هو المرزق الذي يعطينا إياه Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé et il nous a donné notre subsistance. Donc les versets également qui prouvent cela sont très nombreux dans le Coran. Allah il nous dit Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Allah est celui qui vous donne votre subsistance et qui possède la force et il est le puissant. Également il nous dit il n'y a pas une seule bête sur terre sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne sa subsistance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne sa subsistance à toutes ses créatures. Les hommes, les démons, les animaux, les plantes, donc tout ce qui a besoin de subsistance, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne la subsistance. Le musulman comme le non-musulman. Et cette subsistance, elle est déjà prédestinée avant notre naissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la création de l'un d'entre nous a lieu dans le ventre de la mère. Donc l'homme est pendant 40 jours une goutte de sperme, ensuite pendant 40 jours il devient un caillou de sang, ensuite pendant 40 jours il devient un morceau de chair. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie un ange qui est chargé d'insuffler une âme et d'inscrire quatre choses. La subsistance, le terme de la vie, les œuvres, et est-ce qu'il fait partie des heureux ou bien des malheureux, des gens du paradis ou bien des gens de l'enfer. Donc la subsistance, elle est déjà écrite. Tout ce que l'on va obtenir ici-bas, c'est déjà inscrit. Donc cela doit inciter justement le musulman à toujours chercher sa subsistance dans le licite. Car celui qui prend de la subsistance illicite, quelle qu'elle soit, dans le vol, dans autre chose, qu'il sache que s'il avait patienté, il aurait eu cette même subsistance dans le licite. Ceux qui, par exemple, ils vont voler, cambrioler une banque, par exemple, et qu'ils s'en vont avec des millions d'euros, qu'ils savent que s'ils avaient patienté, ils auraient eu cette même somme dans le licite. Car quoi ? Ça fait partie de la subsistance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Jibril alayhi salam a insufflé dans son âme qu'il n'y a pas une âme qui mourra sans que sa subsistance ne soit terminée. Donc le prophète dit ensuite Fattaqullah, craignez Allah wa ajmilu fi talab, c'est-à-dire recherchez cette subsistance dans les bonnes choses et que le fait que la subsistance prenne du retard, cela ne doit pas vous inciter à la chercher dans la désobéissance. Le musulman, toujours, il cherche dans ce qui est licite. Il vaut mieux être modeste, ou même dans le besoin, avoir très peu de biens, et arriver yawm al-qiyama sain et sauf, plutôt que d'aller chercher des choses dans l'illicite et d'avoir des comptes à rendre sur les moyens dont on a acquis cette subsistance et dans quoi on l'a dépensé. ثم يقول ولم يتركنا هملا يعني ولم يتركنا يعني عبثا ولعبا. فالله سبحانه وتعالى خلقنا لحكمة عظيمة. الله سبحانه وتعالى يعني لم يخلق الإنس والجن وجميع المخلوقات يعني عبثا. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والعبث هو الشيء الذي يفعل بدون قصد ولا إرادة ولا حكمة. فلا ينبغي للمسلم أن ينسب ذلك لله تبارك وتعالى. العبث في الإنسان ممدوح ولا مذموم؟ مذموم. فما بل بالله تبارك وتعالى. ولله المثل الأعلى. فالشخص إذا كان يفعل شيئا بدون قصد وبدون إرادة وبدون هدف وبدون حكمة يسمى عبث. فلا ينبغي أن ينسب الإنسان ذلك لله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لم يخلقنا حتى نلعب وحتى نأكل أو نشرب أو نعبث. ولم يخلقنا يعني كالبهائم. مع الأسف الكثير من الناس يعيشون كالبهائم، يأكل يشرب وينام وينكح فقط، لا يتعبد لله تبارك وتعالى ولا يفعل الخير ولا يجتنب الشر كالبهائم. ولكن الفرق بين البهائم والإنسان، شنو الفرق؟ النطق. وكذلك يوم القيامة الله تقول البهائم كوني ترابا، أما الإنسان سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة. هذا هو الفرق بين البهيمة والإنسان. البهيمة تأكل وتشرب وتنام ولكن لا تحاسب يوم القيامة، أما الإنسان الذي رزقه الله تبارك وتعالى عقلا يعقل به فلا ينبغي أن يتشبه بالبهائم. الإنسان يوم عليه أن يفكر أن يوم القيامة هناك ثواب وعقاب، ثواب لمن أطاع الله تبارك وتعالى وعقاب لمن عصاه. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. معنى ذلك يترك سدى يعني لا يبعث ولا يؤمر ولا ينهى. فالله سبحانه وتعالى لم يترك الناس سدى بل أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. فمن كما سنذكر من أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار عياذا بالله. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé et nous a donné notre subsistance et ne nous a pas délaissé. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créé pour comme un amusement. C'est-à-dire qu'il nous a créé pour un but, pour une sagesse. Donc ce que l'on appelle dans la langue arabe al-abas ou bien al-la'ib, wa ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma baynahuma la'ibin. Allah n'a pas créé les cieux et la terre pour jouer, pour s'amuser. Mais il a créé tout ça pour nous éprouver. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Et donc, le musulman il ne doit pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala le fait qu'il ait créé les cieux et la terre et tout ce qu'il y a entre les deux sans but, sans sagesse, par amusement. Déjà, cet attribut, cette caractéristique chez l'homme, elle est blâmable. L'homme qui fait des actes sans but, sans sans volonté, pour s'amuser, ce n'est pas une personne que l'on dont on vante les mérites. Donc comment attribuer cela à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc le musulman ne doit pas se comporter comme un animal. L'animal, il mange, il boit, il dort, et il a des rapports avec donc les autres animaux. Il ne faut pas que le musulman vive comme cela, car Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une raison avec laquelle il peut réfléchir, donc, et qu'il pense que dans l'au-delà, il y aura donc soit une récompense, soit un châtiment. Contrairement aux animaux, à qui Allah subhanahu wa ta'ala dira à la bête, Kuni turaba, devient terre. Elle ne sera pas jugée. Et l'homme dira, Ya laytani kuntu turaba, lui-même espérera être lui-même de la terre pour ne pas être jugé. Et Allah dit dans surat Al-Qiyamah, Ayahsabu l'insanu an yutraka suda. L'homme pense-t-il qu'il sera complètement délaissé? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé sur terre sans qu'il ne le ressuscite après la mort, sans qu'il lui ordonne des choses ici-bas et qu'il lui interdise d'autres choses. Donc le musulman, il faut qu'il justement souvent il réfléchisse au but de sa création. Au but de sa création. Car beaucoup de gens vivent comme des animaux proches qui ne savent pas pourquoi ils sont ici-bas. Leur vie passe à toute vitesse et ils se retrouvent, ayyadhan billah, dans l'au-delà, fi nari jahannam. كذلك لا يعقل أن الله سبحانه وتعالى أن يكون خلقه عبثا. فالله سبحانه وتعالى يعني أرسل الرسل وأنزل الكتب وقامت الحروب والمعارك بين المؤمنين وبين الكافرين, يعني عبر التاريخ, هل كل ذلك عبث؟ لا, ليس عبثا. هذا ينبغي أن يفكر المسلم في الهدف من ذلك كله. ثم قال بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إذن الله سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا, ففي المقابل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. يقول الله تبارك وتعالى مرغبا عباده في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم, وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. اللي ما بغاش. قيل ومن يأبى يا رسول الله, يعني من الذي لا يريد أن يدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الحديث في البخاري. طيب ما الهدف من إرسال الرسل؟ الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله, هذا هو الهدف. الله سبحانه وتعالى يرسل إلينا رسولا حتى يبين لنا كيف نعبد الله تبارك وتعالى. شنو المطلوب منا؟ أن نطيعه. إذا أمرك بشيء امتثله, امتثل به, وإذا نهاك عن شيء فاتركه, هذا هو الهدف. فالذي لا يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحقق ما أراده الله تبارك وتعالى بإرسال الرسل. Donc il nous dit que Allah ne nous a pas délaissés, mais il nous a envoyé un messager, rasoulan. Celui qui lui obéit entrera au paradis et celui qui lui désobéit entrera en enfer. Donc les versets dans le Coran qui incitent à obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam sont très très très nombreux. Allah nous dit wa ati'u Allah wa ati'u Rasul, obéissez à Allah et obéissez à son messager. Et il nous dit également, celui qui obéit à Allah et à son prophète, il sera dans l'au-delà avec les prophètes, avec les véridiques, avec les martyrs et avec les vertueux. Et quelle bonne compagnie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il nous dit que toute sa communauté entrera au paradis, sauf ceux qui refusent. Toute sa communauté entrera au paradis, sauf ceux qui le refusent. Les compagnons dirent alors, mais qui refuse cela, ô messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit, il a alors refusé. Donc sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il a fait descendre des livres, et il a envoyé des prophètes. Le but de cet envoi des prophètes, c'est afin qu'ils soient, que les gens leur obéissent. Allah subhanahu wa ta'ala veut que les hommes et les démons l'adorent. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il veut être adoré d'une certaine manière. Sinon tout, chacun invente son adoration et commence à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Non, il nous envoie un prophète afin justement qu'il nous montre le chemin à suivre. Donc ceux qui suivent ce chemin, c'est le chemin qui mène au paradis. Le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui mène au paradis. Et ceux qui ne suivent pas le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils suivent alors les autres chemins qui mènent en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a tracé par terre un trait. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a tracé par terre, donc avec une branche d'arbre, un trait droit, et à gauche et à droite de ce trait, il a tracé plusieurs traits qui partaient dans tous les sens. Il a ensuite dit à ses compagnons radiallahu anhum, voilà le chemin droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le premier trait qu'il a, tracé. Et il a dit, et tous les autres traits, c'est des traits, donc, à la tête de chacun de ces traits, il y a un diable qui appelle les gens vers son chemin. Et ensuite, il a récité le verset de Surat Al-An'am qui dit, wa anna hadha sirati mustaqiman. Voilà mon chemin droit. Fattabi'un, suivez-le, et ne suivez pas tous les autres chemins. Car les chemins qui mènent au paradis, il n'y en a qu'un. Et les chemins qui en enfer, il y en a des milliers. L'égarement, il est très... Il y a beaucoup de manières de s'égarer. Mais le chemin qui mène au paradis, il n'y en a qu'un seul. وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ. قَالَ تَعَالَى وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم يقول الله تبارك وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبلا. إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ. من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. من؟ موسى عليه السلام. ماذا فعل فرعون؟ فعصى فرعون الرسول يعني موسى فأخذناه أخذا وبلا. هذا وعيد من الله تبارك وتعالى يخاطب مشركي قريش وكذلك كل من جاء بعدهم أن يصيبهم مثل ما أصاب فرعون. فرعون الآن عصى موسى عليه السلام فأخذه الله تبارك وتعالى أخذا وبيلا. الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لقريش إن فعلتم بمحمد مثل ما فعل موسى فرعون بموسى سيصيبكم ما أصابهم أو أكثر. علاش أكثر؟ لأن محمد لأن محمدا أفضل من موسى. فإن كان فرعون عندما عصى موسى عليه السلام أخذه الله تبارك وتعالى أخذا وبيلا، فبالإمكان وبالأحرى أن يأخذكم أنتم أخذا أشد مما أخذ به فرعون وقومه، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى عليه السلام. Donc Allah nous dit, donc la, c'est la preuve donc de l'obligation de, d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, nous avons envoyé vers vous un prophète témoin contre vous, shahidan alaykum, comme nous avons envoyé à Pharaon un messager. Pharaon a désobéi à ce messager et nous l'avons alors saisi d'une manière brutale. Donc le prophète qui nous a, le messager qui nous a été envoyé, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète qui a été envoyé à Pharaon, c'est Moussa alayhi salam. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala met en garde les associateurs de la Mecque, Quraysh, qu'il leur arrive la même chose qui est arrivée à Pharaon. Lorsque Pharaon a désobéi à Moussa, lorsqu'il l'a appelé à l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a saisi, lui et son peuple, et les a fait فَأَغْرَقَهُمْ فِي الْيَمْ et les a fait les a noyés dans le fleuve. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala en fera de même des associateurs de la Mecque s'ils refusent de suivre le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien pire encore, leur châtiment sera encore plus fort du fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a un rang plus élevé que Moussa alayhi salam. Donc ça c'est un avertissement qui met en garde contre le fait justement de ne pas suivre et de ne pas obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فهذه كانت المسألة الأولى. الله سبحانه خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، والدليل آية سورة المزمل. الثانية المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد، فالشرك هو صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. من صرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد وقع فيما يسمى بالشرك، والشرك أعظم الذنوب على الإطلاق. ما عصي الله تبارك وتعالى بذنب على وجه الأرض بذنب يعني أقبح وأشنع من الشرك بالله، وذا ينبغي أن يكون يعني كمعتقد عند كل مسلم. مع الأسف نحن نغضب ل يعني كثير من الذنوب. إذا رأينا شخصا مثلا يشرب الخمر نقول هذا ما يخافش الله، إذا شفنا شخص يزني فهذا لا يتقي الله، شخص يقتل. ولكن إذا وجدنا شخصا يدعو غير الله تبارك وتعالى لا نتأثر، ولا لا لا نتأثر. لا ينبغي أن يكون الشرك يعني أقبح ذنب في قلبك، كما كان ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والسلف رحمهم الله. الشرك هو أعظم الذنوب. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أعظم ما أكبر الكبائر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به عندما ذكر السبع الموبقات. أول موبقات قال الشرك بالله، ثم قال السحر والقتل وكذا وكذا. فدائما النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الشرك بالله في قائمة الذنوب، لا يوجد ذنب يعني أعظم من هذا، فهو الذنب الذي لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما القتل، واحد كيعرف الحديث الرجل من إسرائيل الذين كان قتل 99 نفسا فغفره الله تبارك وتعالى عندما تاب. أما المشرك لا يغفره الله تبارك وتعالى حتى يتوب. أما القاتل قد يغفره الله تبارك وتعالى، والزاني كذلك، والذي يشرب المسكرات كذلك. أما المشرك لا يغفره الله تبارك وتعالى حتى يتوب صاحبه ويرجع إلى التوحيد. وكذلك حرام على الجنة من أشرك بالله، إذا من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وكذلك جميع ما عمله في هذه الحياة الدنيا لا يساوي شيئا، يرد هباء منثورا، حبط عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لئن أشركت ليحبطن عملك. الإنسان يعمل طوال حياته 80 سنة من العبادة، الصلاة والصيام والحج والصدقة والبر، ثم يلتفت إلى قبر ولي من الأولياء فيقول يا فلان أغثني أو المدد أو ارزقني مالا أو ولدا، فإن عمله كله أن يحبط ويرد كسفر. المسلم أن ينتبه لهذا الأمر ويحذر منه. Donc le deuxième point donc à connaître et à mettre en pratique est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas que l'on lui associe quelque chose dans son adoration, ni un ange rapproché ni un prophète envoyé. La preuve à cela est le verset de sourate Al-Jin où Allah dit et les mosquées appartiennent certes à Allah, n'invoquez donc rien avec lui. Donc ça c'est la deuxième chose à savoir et à mettre en application. Car donc l'association, ce que l'on appelle le shirk, est le pire des péchés. Donc il faut que le musulman, ce soit une chose ancrée en lui. Si on lui dit quel est le pire des péchés, il ne faut pas qu'il réponde par d'autres péchés, en disant le meurtre, en disant la fornication, en disant le vol, en disant le fait de boire de l'alcool ou bien autre chose. Ça c'est des péchés très très graves, mais l'association est au-dessus de cela. Le shirk, c'est au-dessus de cela. Donc le prophète sallam, à chaque fois qu'il était questionné sur les plus grands des péchés, il disait Antaj'alanillahi niddan wa huwa khalaqak. Le fait que tu donnes à Allah un associé alors que c'est lui qui t'a créé. Qila thumma madha? Qala an taqsula waladak makhafata an yat'ama ma'ak. Le fait que tu tues ton enfant par crainte qu'il te vole ta subsistance. Avant, les gens ils tuaient leurs enfants par peur de pauvreté. Wala taqtulu awladakum min imlaq. Et la troisième chose, thumma madha? Qala an tuzani halila tajarik. Le fait de forniquer avec la femme de ton voisin. C'est des choses très graves. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les amis, après l'association, shirku billah, il n'y a pas de plus grand péché. Donc il ne faut pas que le musulman, lorsqu'il voit des gens boire, des gens forniquer ou bien des gens désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit choqué. Et que lorsqu'il entend quelqu'un invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que cela ne lui fasse rien. Non, il faut que tu places chaque chose à son niveau. Il faut que tu sois encore plus énervé lorsque tu vois que des gens invoquent autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Car donc c'est le pire des péchés. C'est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Allah ne pardonne pas que l'on lui associe quelque chose et il pardonne tout le reste à qui il veut. Donc celui qui meurt en étant associateur, Allah ne lui pardonnera pas. Car donc c'est cité dans le Coran. Également il ne rentrera pas au paradis. إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. Celui qui est associé à Allah, Allah lui interdit le paradis et sa destination sera l'enfer. Et même tout ce qu'il a pu faire ici-bas, comme bonnes œuvres, tout cela sera réduit à néant. Allah dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons amené toutes leurs œuvres qu'ils ont fait ici-bas et nous les avons rendus tels de la poussière éparpillée. La yahbatanna amaluk. Si tu associes à Allah subhanahu wa ta'ala, tes œuvres deviendront nulles. Explique la personne, pendant 60 ans de sa vie, elle adore Allah subhanahu wa ta'ala en priant, en jeûnant, en donnant fi sabilillah, en faisant le hijj plusieurs fois, et qu'un jour elle invoque autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala et toutes ses œuvres seront rendues au néant. Donc les œuvres donc seront annulées à cause de ce péché. إذن الشرك لا يرضاه الله تبارك وتعالى بل أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة الشرك. هذا هو الهدف لمحاربة الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وعندما قص الله تبارك وتعالى قصص الأنبياء في القرآن الكريم ذكر عن كل نبي أنه قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح عليه السلام، هود، صالح، شعيب، لوط، جميع الأنبياء عليهم السلام دعوا أقوامهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وترك الشرك. بل يعني كما قلنا قامت يعني الحروب والمعارك بين المسلمين والمشركين لأجل محاربة الشرك بالله تبارك وتعالى. وكان الأنبياء عليهم السلام مع عصمتهم، الأنبياء عليهم السلام معصومون، كانوا يخافون من الشرك، بل يدعون الله تبارك وتعالى أن يبعدهم منه. قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام الذي قال الله تبارك وتعالى ولم يكن من المشركين، يعني أثنى الله سبحانه وتعالى عليه وذكره أنه كان حنيفا قانتا حنيفا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ومع ذلك كان يخاف من الشرك. فنحن من باب أولى. Donc les prophètes alayhi salam craignaient donc de tomber dans l'association. C'est pour ça que Ibrahim alayhi salam dit dans le Coran et donc wajnubni wa bani an na'bud al-asnam, c'est-à-dire évite-moi à moi et à ma descendance d'adorer les statuettes. Rabbi innahunna adlanna kathiran min an-nas, car elles ont déjà égaré beaucoup de gens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Ibrahim alayhi salam en nous vantant ses mérites, en nous disant wa lam yakun min al-mushrikin, il ne faisait pas partie des associateurs, et malgré cela donc il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala de lui écarter cette chose. Wa shirku yanqasimu ila qismayn, shirkun akbar wa shirkun asghar. Al-akbar la yaghfiruhu Allah tabaraka wa ta'ala illa بالتوبة. الإنسان إذا أشرك بالله تبارك وتعالى شيئا عليه أن يتوب ويرجع إلى توحيد الله تبارك وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما إن لم يتوب فصاحبه يعني خالد مخلد في نار جهنم ولا لا؟ ها؟ المشرك إذا مات على شركه شنو مصير ديالو؟ جهنم. هذا الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر، الشرك الأصغر هو كل ما جاء في النصوص ما كان ذريعة للشرك الأكبر، وسمى الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم شركا ولكن لا يدخل في الأكبر، مثلا الحلف بغير الله، كذلك الرياء، وكذلك التمائم، وكذلك قولك ما شاء الله وشاء فلان، هذا يسمى بالشرك الأصغر. صاحب الشرك الأصغر، الشرك الأصغر يعني وإن سمي أصغر فإنه أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر، لأنه يدخل في مسمى الشرك. جمهور العلماء قالوا أنه لو مات صاحب الشرك الأصغر ولم يتوب فهو تحت المشيئة، فإن الله تبارك وتعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه يعني بقدر معصيته. ومن العلماء من قال، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أن صاحب الشرك الأصغر إن لم يتوب فإن الله تبارك وتعالى سيعذبه، سيعذبه على الشرك الأصغر ولا يخلد في نار جهنم. أما الذي يخلد في نار جهنم هو صاحب الشرك الأكبر. أما صاحب الشرك الأصغر يقول الشيخ الإسلام أنه إن لم يتوب فإن الله تبارك وتعالى يعذبه ويدخله في قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc l'association الشرك، donc il y a deux catégories d'association، ce que l'on appelle الشرك الأكبر، la grande association، et الشرك الأصغر، la petite association. La grande association c'est lorsque tu donnes une partie de l'adoration à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Si tu invoques autre qu'Allah, si tu sacrifies par exemple une bête pour autre qu'Allah, ou bien que tu demandes secours à autre qu'Allah, tu demandes ta subsistance à autre qu'Allah. Donc ça c'est ce qu'on appelle al-shirk al-akbar. Ça, si la personne tombe dedans et qu'elle ne se répand pas, elle donc demeurera éternellement en enfer. Donc si la personne se répand, ne se répand pas, elle demeurera éternellement en enfer. Shirk al-Asghar, donc Shirk al-Asghar, c'est toute chose qui est, donc on va dire, tel un chemin menant vers la grande association. C'est-à-dire c'est une chose qui a été citée dans les textes comme shirk, comme association, mais qui n'atteint pas le niveau de la grande association. Comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Man halafa bi ghayrillahi faqad ashrak », celui qui jure par autre qu'Allah, il a alors fait de l'association. Donc ça, ça ne rentre pas dans la grande association, mais c'est donc de la petite association. Donc le fait de jurer par autre qu'Allah, l'ostentation, le fait de faire une partie des adorations pour autre qu'Allah, également le fait de porter des talismans en pensant que Allah subhanahu wa ta'ala nous protège grâce à eux, ou bien également le fait de dire ma sha Allah wa sha'a fulan, c'est-à-dire Allah a voulu et tu as voulu. Là, il faut dire ma sha Allah ثم شاء فلان، ou bien ما شاء الله وحده. Soit on dit c'est comme Allah l'a voulu et ensuite comme tu l'as voulu, ou bien on dit c'est comme Allah l'a voulu seul, lorsqu'il donc une chose arrive. La petite association, donc la majorité des savants rahimahumullah, ils disent que si la personne donc meurt en ayant commis de la petite association sans se repentir, Allah subhanahu wa ta'ala, donc s'il veut, il le châtiera, et s'il veut, il lui pardonnera, comme les grands péchés. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit que celui qui meurt en ayant commis de la petite association sans se repentir, Allah subhanahu wa ta'ala le châtira. Le châtira pour cette petite association, car Allah nous dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas que l'on lui associe quelque chose, mais il pardonne sans, bien sûr, sans qu'il reste en, éternellement. Mais il sera châtié pour cette petite association. إذن يقول إن الله لا يرضى أن يشرك معه في أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فلا يجوز الإنسان أن يدعو جبريل عليه السلام أو ميكائيل أو غيرهما من الملائكة وكذلك لا يجوز لك أن تدعو نبيا مرسلا من الأنبياء لا يجوز لك أن تدعو نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أو تدعو إبراهيم أو عيسى أو غيرهم كل ذلك شرك ومن الناس مع الأسف من الحجاج تمشي كيدفع أن يكثر من مبلغ كبيرا باش يمشي الحج عندما يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا طيب لا يجوز إنسان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف وإذا أراد أن يدعو الله تبارك وتعالى يستقبل القبلة لا من الناس من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز وهذا من الشرك الأكبر فإن كان لا يجوز لك أن تشرك مع الله ملكا أو نبيا فغيرهم من باب أولى إن كان لا يجوز لك أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق فكيف يجوز لك أن تدعو مثلا يعني البدوي أو عبد القادر الجيلاني أو يعني غيره من الناس الذين يزورونها يجوز لك أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى الإنسان إذا أراد أن يدعو عليه أن يدعو الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له Donc il est interdit d'associer à Allah quelque chose, que ce soit un ange, rapproché ou bien un prophète. Tu n'as pas le droit d'invoquer Jibril alayhi salam, ou bien Mikaël, ou bien un autre ange. Tu n'as pas le droit d'invoquer Ibrahim, ou bien Isa, ou bien Nour, ou bien même notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est de l'association. Donc on a vu de nos propres yeux des gens invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à côté de sa tombe, fil Majid al-Nabawi, wada shirk. Le pèlerin, il dépense des milliers d'euros pour ensuite se retrouver là-bas et rendre toutes ses œuvres à zéro. Vous pouvez entendre des gens dire Ya Ali, Ya Fatima, Ya Hussein, au lieu d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant du prophète Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra. Illa masha Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne possède pour lui-même ni bien ni mal, sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Donc comment tu peux l'invoquer? Alors c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne le bien et qui éloigne le mal. Donc il faut que le musulman se soit ancré chez lui. Il faut que toutes ces choses-là soient ancrées chez le musulman. C'est-à-dire at-tawhid wa ash-shirk. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا بالنسبة للمساجد هنا في هذه الآية هناك تفسيران. قيل المساجد بمعنى أعضاء السجود. أعضاء السجود الوجه واليدين والركبتين والقدمين. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أن السجود لله فلا تدعو في سجودكم غير الله تبارك وتعالى. هذا تفسير الأول. وقيل المساجد بمعنى أماكن الصلاة. أن المساجد لله تبارك وتعالى فلا تدعو في المساجد غير الله تبارك وتعالى. ثم يقول المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه هي المسألة الثالثة. أن من يعني أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله يعني أفرده بالعبادة لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. يعني الموالاة بمعنى أن تتخذهم وليا وأن تحبهم. لأن يعني الإنسان إذا كان مسلما مؤمنا موحدا يحب الله ورسوله. أنت إذن الآن إذا أحببت شيئا كيف كانت كيف تحب من يبغض هذا الشيء الذي تحبه أنت؟ من أبغض القرآن كيف أنت تحبه؟ من أبغض الله تبارك وتعالى كيف أنت تستطيع أن تحبه؟ من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم كيف تستطيع أن تحبه؟ يعني انظروا مثلا إلى أصحاب الكرة. أصحاب الكرة يحبون فريقا ما ويبغضون من يبغض فريقهم ولا لا؟ فأنت الآن مسلم تحب الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحب القرآن وتحب مكة وتحب المدينة وتحب الصحابة. فكيف يعني يمكن أن يكون في قلبك محبة لمن يبغض الله ولمن يبغض رسول الله ولمن يبغض القرآن ولمن يبغض مكة ولمن يبغض المدينة ولمن يبغض الصحابة؟ هذا معنى الكلام. ويقول ولو كان أقرب قريب. حتى لو كان أبوك يبغض الله ويبغض النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون في قلبك محبة له على هذا الشيء. انظروا إلى إبراهيم عليه السلام عندما قال فلم إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إبراهيم عليه السلام عندما تبين له أن أباه آزر كان عدوا لله تبارك وتعالى تبرأ منه لأنه كان يدعو دائما ولكن عندما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يعني يحبون من حاد الله يعني حاد من الحديث أن يكون يعني محاربة بالحديث بينهم وبين الله تبارك وتعالى ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان هؤلاء الذين لا يحبون هؤلاء الله سبحانه وتعالى يكتب في قلوبهم الإيمان ويؤيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار. هذه المسألة تسمى بالولاء والبراء. الإنسان يعني يوالي ويتبرأ، يوالي من يحب الله ورسوله ويتبرأ من كل من لا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق يعني أمتن. العرى، شو معنى العرى؟ عرى جمع عروة. العروة عرفتي ليد ديال الكاس، شي كاس عنده يد، اليد هذه تسمى بالعروة، يعني الشيء الذي تمسك به. حلبه، حلبه مثلا، هذه اليد تسمى العروة. فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني الشيء الأمتن والأشد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. والبطانة هي خاصة الأهل، الشخص يأخذ هذا الشخص البطانة، يعني هو أقرب قريب، صاحب السر، صاحب السر. فالله سبحانه وتعالى يحث المؤمنين أن يتخذوا أصحابا لأسرارهم من المؤمنين، ولكن ينبغي أن الإنسان أن يميز بين الموالاة وبين المعاملة، مفهوم؟ فالموالاة محرمة، لا يجوز لك أن تحب من أبغض وحارب الله تبارك وتعالى، ولكن مع ذلك في المعاملة ينبغي أن تعامله معاملة حسنة إلا أن يكون محاربا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن أمور يعني قلبية، المحبة شيء قلبي ولا لا؟ المحبة شيء قلبي، أنت تقول أنا أحبك، أنت تقول يمكن تبغضني ولا لا؟ من يعرف ذلك غير الله تبارك وتعالى؟ المحبة شيء قلبي، وكذلك الكراهة شيء قلبي، ولكن المعاملة شيء ظاهر، شيء ظاهر. فالمسلم يعامل الناس معاملة حسنة، مسلمين وغير مسلمين. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. ولكن في قلبه الإنسان لا يرضى أن يعبد غير الله تبارك وتعالى، وأن لا يطاع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان مأمور ببر الوالدين ولو كان الوالدان كافرين. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالإنسان يبر بوالديه وإن كان مشركين، مفهوم؟ ولكن في قلبه بغض للكفر الذي في قلوبهم، مفهوم ولا لا؟ مفهوم ولا لا؟ مع أصحاب البدع، ها؟ أصحاب البدع. طيب هؤلاء ما دخلنش معنا، يعني هم مسلمين. المسلم العاصي لا يحارب الله ورسوله. نحبه لإيمانه ونبغضه لبدعته. الآن عندنا الناس نبغضهم من كل وجه، مثل الأنبياء والصحابة، ومن الناس نبغضهم من نحبهم من وجه ونبغضهم من وجه المسلم العاصي مفهوم ومن الناس من نبغضهم من بغضا خالصا هم الكفار donc ensuite le troisième point il nous dit que celui qui obéit à son message au messager d'Allah et qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala il lui est alors interdit de prendre comme allié ceux qui combattent Allah et son messager même s'ils sont leurs plus proches parents. Allah nous dit que vous ne trouverez pas un peuple qui aime Allah et son qui croit en Allah et au jour dernier, aimer ceux qui combattent Allah et son messager, même s'ils sont leurs pères, leurs enfants, ou bien leurs frères ou leurs tribus. Cela, Allah subhanahu wa ta'ala a mis la foi dans leur cœur et les a appuyés d'une âme de sa part et les fera rentrer dans des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Donc ce sujet, c'est ce que l'on appelle en arabe al-wala wal-bara, donc le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Donc le musulman donc, qui aime Allah, qui aime son messager, qui aime le Coran, qui aime les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aime tout ce qui est sacré en islam, il ne peut pas aimer ceux qui détestent cela. Même dans les choses quotidiennes de la vie, lorsque le musulman, lorsque l'homme aime quelque chose, en général, il déteste ceux qui détestent cette même chose. Je vais donner l'exemple, par exemple, des supporters de football. Ils aiment une équipe et ils détestent ceux qui détestent cette équipe. Donc le musulman qui aime Allah, son messager, le Coran, la Mecque, Médine, les compagnons, radiallahu anhum, les prophètes, il ne peut aimer ceux qui détestent ces choses-là et qui les combattent. Et donc même s'ils sont leurs plus proches parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna awthaqa ghur al-iman al-hubbu fillah wa al-bughdu fillah. Il nous dit parmi les anses la urwa. Comment la urwa al-wusqa la anse ou la anse l'anse. Il nous dit la hanche la plus solide de la foi, c'est le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Donc ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le musulman, comme on l'a dit, il ne peut aimer ceux qui détestent Allah et son messager. Et mais donc il faut que le musulman il fasse la différence entre deux points. Donc il y a ce que l'on appelle l'amour et la haine. Il y a ce que l'on appelle al-mu'amala, c'est-à-dire le comportement. En ce qui concerne donc l'amour et la haine, c'est une chose que le musulman possède dans son cœur. Il déteste qu'autre chose qu'Allah soit adoré. Il déteste qu'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit suivi. Donc ça, c'est une chose que le musulman possède dans son cœur. Ensuite, le comportement avec les gens, c'est tout autre chose. Donc si le musulman n'est pas attaqué, il se comporte avec un bon comportement et en disant des bonnes paroles. Allah dit dans le Coran لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah ne vous interdit pas en ce qui concerne les gens qui ne vous ont pas combattu ni ne vous ont expulsé de vos demeures d'être bon et juste avec eux. Allah aime les justes. Et également, même les personnes qui ont des parents non musulmans, il aurait demandé de leur obéir. Allah il nous dit وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Si tes deux parents font tout leur effort pour que tu m'associes quelque chose, que tu tombes dans le shirk, فَلَا تُطِعْهُمَا. Ne leur obéis pas. وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ. Mais malgré cela, sois bon avec eux ici-bas. كَذَلِكَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَظُنُّهَا أُمُّ سَلَمَة. جاءت أمها تزورها. جاءت أمها تزورها فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة أمها لأنها ظنت أن هذه المسألة الولاء والبراء تمنعها من زيارة أمها وهي مشركة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك صلي أمك فالإنسان وإن كان عنده أقارب غير مسلمين عليه أن يصلهم Donc Umm Salama radiyallahu anha, un jour sa mère est arrivée vers Médine pour la visiter. Et donc Umm Salama est alors partie demander au professeur Salim la permission si elle pouvait visiter sa mère. Car sa mère donc n'était pas musulmane. Et donc elle avait pensé que justement cette chose qu'on appelle wala wal bara lui interdisait tout contact avec sa mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit Sili ummaki, c'est-à-dire rends visite à ta mère. Donc il faut que la personne donc différencie deux choses qui sont donc le comportement avec les gens. Allah il nous dit wa qulu lin nasi husnan, dites aux gens des bonnes choses, et ce que l'on appelle wala wal bara, donc le mahabba wa al karahiya, qui sont des choses que la personne possède dans son cœur et que nul ne connaît à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, il faut qu'il fasse la différence entre ces deux choses-là. Wa sallallahu ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa yarzuqana al-ikhlasa fi amalina kulliha innahu ala dhalika qadir. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.